On va parler du Master avec notre ami Serge Cloutier. Salut Serge. Bonjour, Danny. Serge, notre ami Dustin Johnson n'a pas été vraiment inquiété hier durant la fin de semaine. À partir de samedi, il n'a pas vraiment été inquiété dans le cadre du Master. Ah, il a joué du grand golf, mon ami. Tu sais, vraiment, vraiment, là, d'abord, c'est le meilleur au monde. Et pour la première fois, il a gagné un titre majeur. Mais en fin de semaine, ce gars-là, il frappe la balle très loin. Il y a des bons jeux de fer, mais quand il gagnait pas, c'est parce que il potait pas bien. Tu sais, son potting laissait à désirer, puis il a fini souvent deuxième, puis il n'était pas capable de remporter des tournois majeurs. Mais là, en fin de semaine, là, il a dominé, il a gagné par 5 coups sur deux golfeurs, Cameron Smith puis Sungi Im. Je le prononce bien. Moins 15, ces gars-là, en principe, ils auraient dû gagner. Mais non, parce que là, le Johnson était vraiment, vraiment au-dessus de la normale. Et ça, c'est vraiment magique. Il a joué un tournoi, on pourrait dire, impeccable. Parce que c'est un nouveau record. Il a joué moins 20, là. L'ancien record appartenait à Tiger Woods puis Jordan Spieth. Mais il a réussi à faire 268. Le total des 4 rondes pour un nouveau record de tous les temps. C'est assez impressionnant, merci. Donc, qu'est-ce qui expliquait ça? Les conditions, Mais la confiance, on le voyait jouer en fin de semaine, là. Il a dit hier après qu'il avait été très impressionné d'abord de recevoir le veston vert de Tiger Woods. Puis il a dit qu'il était un petit peu nerveux, mais qu'il a réussi à contrôler tout ça. La température était loin d'être mauvaise. Les verts étaient rapides. Ça n'avait pas de bon sens. Mais il a bien lu ses verts. Comme je disais précédemment, il avait de la misère auparavant avec son putting. Puis là, bien, tout a bien réussi pour lui. Alors, c'est là la différence. À un moment donné, dans la journée, hier, il avait 2 coups d'avance seulement. Puis il a réussi à monter ça à 5. Puis là, il n'y a plus personne qui l'a approché, hein? Fait que ça a été facile pour lui pour terminer. Du côté des autres, ben Tiger, on surveillait de près. Il a joué une belle ronde hier en début de ronde, mais par la suite, c'est compliqué. Ben, Tiger, écoute, il a battu un record. Il a joué 10 sur un par 3. Ça, Tiger Woods, c'est pas dans ses habitudes. Il avait déjà eu une fois dans toute sa vie qu'il avait joué 9 sur un trou. Et là, hier, il a envoyé 3 balles à l'eau au trou numéro 12. Alors, évidemment, il s'est sorti. Par contre, il a terminé avec 4 birdies sur les 5 derniers trous. C'est encore un bon golfeur. C'est un des meilleurs de l'histoire. Sauf que les blessures au dos, au genou, ça l'a ralenti énormément. Il est rendu à 44 ans. Donc, il peut encore bien figurer. Mais de là à lutter avec les jeunes, puis avec des gars comme Johnson, puis Thomas et compagnie, ça va être pas mal plus difficile pour l'avenir. Mais il va être là au mois d'avril, probablement, pour la reprise du Master, là, s'il n'y a pas de changement. Parce qu'on sait que cette année, ça a été retardé de pratiquement 7 mois, puis on n'est pas habitué de jouer un tournoi au mois de novembre, surtout en Amérique du Nord. Alors, on a vu en fin de semaine, il fallait qu'il joue 7 heures le matin, qui partent au 1 Ça pour. C'était pas pareil. change la donne, hein? Ben, c'est ça. Ça a complètement changé le décor, la donne. Mais il reste que ces gars-là ont tellement de talent. C'était un bon tournoi. Regarde Justin Thomas. Il n'a pas été mauvais. Il a fini 4e à moins 12. McIlroy, moins 11. Mais il y avait la première ronde, McIlroy, plus 3. Et McIlroy a gagné tous les autres tournois majeurs, mais il n'est pas capable de gagner le Master, qui est probablement le plus prestigieux. Mais il a commencé à plus 3, puis il s'est replombé. Ça veut dire qu'il a joué moins 14 pour les 3 rondes suivantes, mais il manquait. De toute façon, quand même les gars jouaient bien, ou moins 12, moins 13, moins 15, l'autre a fini à moins 20. Alors, tu ne peux pas faire grand-chose à ce Non, moment-là. c'est sûr. Mike Weir, comment ça a été? Tu sais-tu? Mike Weir a fini plus 1. OK. Alors, le meilleur Canadien, c'était Connie Connors. Il a terminé, je vais te le dire, le moins 7. OK. Alors, c'est excellent. Écoute, il était même impressionnant. Ah non, il n'a pas terminé à moins 7, il a terminé à moins 9. Mm. Alors, tu sais, c'est le meilleur Canadien et de loin qui a joué en fin de semaine. Taylor n'a pas été mauvais. Mike Weir, évidemment, ne gagne plus de tournoi, mais il a gagné le Masters en 2003. Fait que ça fait 17 ans. Oh, ouais. On s'en souvient encore. Mais c'est parce qu'il est là, parce que quand tu gagnes le Masters une fois, t'es invité à vie, là. Oui, puis ceux qui ont fini dans les 10 premiers cette année-là, automatiquement invités pour le tournoi du mois d'avril. Oui, effectivement. Serge, merci beaucoup. On va se reparler dans le temps des fêtes pour parler un peu de ce qui s'est passé durant l'année sur le circuit de la PGA. Évidemment, ça va être une perspective très, très bizarre et compte tenu du COVID cette année. Parfait, Danny. Merci infiniment. On se reparle bientôt. Serge qui nous parlait du Master.